Chapitre 33e. Elle descendit l'escalier en trébuchant, mais pour traverser la cour, elle se remit. Elle était comme ces gens ivres qui, sur un chemin plat, titubent avec des zigzags effrayants, et qui, dans un passage dangereux, retrouvent leur aplomb pour quelques secondes. Elle ne remonta point en voiture et se dirigea vers l'avenue de Messine à pied. L'indignation la portait. Quel misérable! C'était à cet homme qu'elle avait donné sa vie, à lui qu'elle avait sacrifié l'honneur et le bonheur de son mari. Elle l'avait aimé, quelle honte! Tout ce qu'il y avait de souvenirs d'amour dans sa tête lui revint d'un seul coup et la suffoqua. Le rouge de la pudeur et de la fierté lui empourpra le visage. Elle avait permis qu'il la tutoyât. Elle s'était donnée à lui. Elle s'était livrée, abandonnée. Pour lui, elle avait inventé des caresses. Il y avait des mots d'elle, des mots d'amour, qu'il pouvait se rappeler et répéter. En arrivant à la Madeleine, elle fut arrêtée par un défilé de voitures qui allaient au bois. Dans leur calèche, de jeunes femmes passaient vêtues de toilettes brillantes. À leur côté, ou en face d'elles, étaient assis des hommes qui leur souriaient. Ces gens-là étaient heureux. Ils s'aimaient. Les insensés, quel serait leur réveil? Elle entra dans l'église et, se jetant à genoux sur la pierre, elle pria dans un élan désespéré. Elle avait été élevée dévotement et au seuil de la mort, les idées de sa jeunesse lui revenaient impérieuses. Elle ne voyait plus de refuge qu'en Dieu. Le Suisse s'approcha d'elle, car dans cette église mondaine, il n'était point habitué à voir les femmes élégantes se prosterner dans un tel abandon. Il était convaincu que quand on est comme il faut, même dans la prière la plus ardente, on reste comme il faut. En voyant cet homme majestueux tourner autour d'elle, elle se releva et sortit de l'église. Elle remonta le boulevard Malesherbes et ne tarda pas à arriver chez elle. « Monsieur n'est pas rentré ?» demanda-t-elle au valet qui n'avait pas quitté le vestibule. « Non, madame, il n'est pas 5 heures. »« Où est-elle, mademoiselle Marthe ?»« Dans sa chambre, je pense. »« C'est bien, je n'y suis pour personne. » Au lieu de monter à sa chambre, elle entra dans celle de son mari et elle alla droit au bureau de celui-ci, dont elle ouvrit le premier tiroir qui ne fermait pas à clé. Il s'y trouvait un revolver. Elle le prit et regarda s'il était chargé. Il l'était. Elle l'emporta dans sa chambre. Alors elle défit son chapeau et son manteau. Puis, s'asseyant devant un secrétaire, elle prit du papier et une plume pour écrire. Mais elle resta assez longtemps la main levée au-dessus de son encrier, cherchant ce qu'elle allait dire et ne le trouvant pas. Quoi dire, en effet? C'était à son mari qu'elle voulait écrire. Comment lui apprendre qu'elle se tuait? Quel coup, quelle douleur pour lui? Cependant, mieux valait encore ses douleurs que celles que lui causerait la vérité. Morte, il la pleurerait, le malheureux, lui qui l'aimait tant. Ce fut à cela qu'elle s'arrêta. Elle n'avait pas le temps de chercher. Dans sa tête affolée d'ailleurs, les idées passaient comme des éclairs, sans qu'elle pût les saisir et leur donner une forme. Elle se précipitait dans un tourbillon vertigineux. Il lui semblait qu'elle roulait dans un abîme, et les sensations qui se succédaient en elle étaient tellement douloureuses qu'elle avait hâte de tomber enfin au fond. Elle écrivit. « Mon ami, je vais vous causer à vous qui avez toujours été si bon, si tendre, si généreux pour moi, une douleur affreuse. Mais il le faut, et je n'ai pas la liberté de résister à la mort qui m'appelle. Je suis sous la main de la fatalité qui m'écrase. S'il m'avait été possible de vivre, soyez convaincu que j'aurais vécu pour vous. Mes jours auraient été consacrés pour remercier du bonheur que vous avez voulu me donner, mais qui n'était pas fait, hélas, pour moi. Dans votre généreuse bonté, ne vous reprochez rien. Vous avez été pour moi le meilleur des maris. Je suis seul coupable de ma destinée. Je n'ose vous demander de me pardonner. Cependant, je vous sais si bon que j'espère que vous ne maudirez pas ma mémoire. Au moment de mourir, se met une force de penser que je vivrai dans votre souvenir. Je veux rester sur cette idée consolante. Je termine donc ici cette lettre. Adieu, mon ami. Je meurs en pensant à vous, votre nom sur mes lèvres, votre image dans mon cœur, Éléonore. » Elle relut cette lettre, écrite rapidement au courant de la plume, dans une écriture heurtée, puis elle ajouta les lignes suivantes. « Je vous adresse une dernière prière et j'espère que vous voudrez bien l'exaucer. Ne donnez pas Marthe à monsieur de Saint-Austrobert, elle ne l'aime pas. Il faut qu'une femme aime son mari. » L'adresse mise, elle porta cette lettre dans la chambre de son mari et la déposa sur son bureau. Puis elle revint dans sa chambre. La nuit après 5 heures sonnait à sa pendule, il fallait se hâter. Son mari pouvait rentrer avant le moment qu'il avait fixé, il ne devait pas la retrouver vivante. Elle se déshabilla rapidement et revêtit un simple peignoir de linge. Puis, ayant armé le revolver, elle se plaça devant la glace et le dirigea sur sa poitrine. Mais elle avait l'habitude des armes. Elle eut peur qu'en tirant sur la gâchette, le canon dévia et que la balle glissa en effleurant seulement les chairs. Elle changea donc la position du revolver et elle prit la crosse dans sa main droite en dirigeant le canon sur son poignet. De cette façon, en tenant le bras droit tendu devant elle et en poussant la gâchette de la main gauche, elle était certaine de se frapper en pleine poitrine. Elle désarma son revolver et répéta ce mouvement deux fois comme un exercice, car la fièvre de la résolution s'était emparée d'elle, et elle ne tremblait plus, elle n'hésitait plus. Elle n'avait plus l'effroi vague de l'irrésolution et de l'inconnu, elle avait la mort certaine devant elle. Elle arma de nouveau son revolver et poussa la gâchette. Elle ressentit une commotion qui la fit chanceler, mais elle ne tomba pas, et ne lâcha même pas son arme. S'était-elle manquée? Elle regarda avec angoisse dans la glace. Elle était horriblement pâle et une plaque de sang mouillait son peignoir. Si le coup n'était pas mortel, elle remit tant bien que mal son bras en position, car elle sentait une douleur profonde dans la poitrine, et elle tira un second coup. Cette fois, elle roula sur le tapis. Au moment où cette seconde détonation retentissait dans la maison, un domestique accourut dans la chambre, et presque en même temps Martha arriva. Ils coururent à Madame Denis qui était étendue sur le côté inondé de sang. Ils la relevèrent et la portèrent sur son lit. Les domestiques étaient accourus. « Un médecin !» criait Marthe. « Qu'on aille chercher un médecin ! Courez vite !» Madame Denis ouvrit les yeux. « Renvoyez tous ces gens !» dit-elle. « Mais pour vous soigner, c'est inutile, il n'y a rien à faire. Vous n'épouserez pas Monsieur de Saint-Austrebert, ma chère enfant. » En entendant ce mot prononcé dans cette terrible catastrophe, Marthe fut touchée au cœur. Pour la première fois depuis son retour dans la maison paternelle, elle leva les yeux sur sa belle-mère et leurs regards se confondirent. Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait, dit Madame Denis. Je ne suis pas coupable, comme vous devez le croire. Marthe voulait lui porter secours, mais que faire? Elle n'en savait rien. Cependant, on lui présenta du linge, et avec l'aide de la femme de chambre, elle en fit des compresses pour arrêter le sang qui s'échappait par les deux blessures. Pendant qu'elle s'occupait fiévreusement à ses soins, un médecin arriva, le docteur Horton, qui, demeurant rue Miroménil, était le premier auquel on s'était adressé. « Votre père va rentrer, » dit Madame Denis à Marthe. « Allez l'attendre en bas. Préparez-le au coup qui va le frapper. Trompez-le. Dites-lui que c'est un accident, qu'il n'arrive que progressivement à la vérité. » Puis quand elle fut seule avec le médecin, « C'est bien fini, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Rassurez-moi. Ne me laissez pas. Par une fausse pitié, l'idée que je puisse être sauvée. Adoucissez mes dernières minutes par la certitude que c'est fini. » Il examina les blessures. L'arme, poussée par la pression de la main sur la gâchette, s'était relevée et les balles glissant sur la poitrine avaient pénétré dans le cou. « C'est bien grave, » dit Horton, « je vais envoyer chercher un chirurgien. » À ce moment, on entendit un grand bruit dans l'escalier et M. Denis se précipita dans la chambre. Il courut au lit. « Ce ne sera rien, » dit Mme Denis, lui tendant la main et s'efforçant de sourire. Il vit le sang qui inondait le lit, et sur le tapis, il suivit la traînée brune jusqu'à la place où elle était tombée. « Qu'est-ce donc ? » dit-il au médecin. Celui-ci baissa la tête. « J'ai envoyé chercher Carbonneau. » M. Denis se pencha sur le lit et prenant doucement la main de sa femme. « Comment êtes-vous ? Pouvez-vous me parler ? Pouvez-vous me regarder ? Ça ne sera rien, » dit-elle d'une voix qui faiblissait, et elle tourna vers lui ses yeux dans lesquels la mort flottait déjà. Il fut épouvanté, et se relevant, il fit un signe au médecin pour l'appeler dans sa chambre. « C'est très grave, » dit Horton. « Mais vous ne désespérez point, n'est-ce pas ? Il faut toujours espérer. » M. Denis était devant son bureau. Ses yeux tombèrent sur la lettre qui y avait été placée. Il reconnut l'écriture de sa femme. Il saisit cette lettre et la lut. « Tuée ? Elle s'était tuée. » Éperdu, chancelant, il courut à son lit. « Pourquoi ? » dit-il en se jetant à genoux et en prenant sa main, qu'il embrassa. « Pourquoi ? Je vous aimais tant, Éléonore, ma chère femme, que vous ai-je fait ? Je n'ai donc pas été bon pour vous ? Je ne vous aimais donc pas assez ? Mon Dieu, mon Dieu !» Il éclata en sanglots. « Pauvre ami, » dit-elle en lui posant la main sur la tête. « Pauvre ami !» Ils restèrent ainsi assez longtemps. Monsieur Denis s'étouffait. Le docteur Horton, habitué cependant au spectacle de la douleur, était ému par ce désespoir. Carbonneau arriva. Sauvez-la !» s'écria M. Daunis en pressant le célèbre chirurgien dans ses bras. « Emmenez monsieur votre père !» dit Carbonneau en s'adressant à Marthe. Les deux médecins restèrent seuls, puis, après 10 minutes d'examen, Carbonneau va rejoindre M. Daunis dans sa chambre. « Vous allez la sauver !» s'écria celui-ci. « Sauvez-la, rendez-la-moi, ma fortune est à vous !»« Du courage, mon cher monsieur !» dit Carbonneau. « Ne vous en allez pas, je vous en prie, sauvez-la !»« Rentrez près d'elle, mais ne la faites pas parler, ne la fatiguez pas, je reviendrai ce soir. » M. Daunis revint près de son lit. « Donnez-moi votre main, » dit-elle faiblement, « et restez là, près de moi. » Elle tourna la tête vers lui. « Oui, vous êtes bon, » dit-elle. « Pauvre ami, quelle douleur je vous apporte. » M. Eisenberg entra dans la chambre, elle le reconnut. Alors elle dégagea doucement sa main de celle de son mari et cessa de parler. Devant ce vieillard qui savait sa faute, elle avait honte de se montrer tendre. « Je voudrais parler à M. Eisenberg, » dit-elle. M. Daunis s'éloigna, soutenu par Marthe. « J'ai fait justice, » dit-elle. « Marthe épousera Philippe. » Elle mourut dans la soirée.